Petit ours chuchote, blotti dans tes bras, savra tous comme la lune qui brille cette nuit, mêlée aux étoiles, on chante tes jouets qui s'allument. La danse mécanique des ombres tranquilles en silence lance le bal. Ça ressort sans bruit, rejoignent la roue. Toboggan de coton, où prospèrent les moutons. Un tapis assoupi qui flotte au gré du temps. Cheval à bascule guide les poupées. Des toupies de sable et des dominos sucrés font une cavalcade. Jamais ne déraille, jamais ne s'emballe le petit train vaporeux. Des songes les écrits du grand horloger. Toboggan de coton où prospèrent les moutons. Un tas